ce jour de juillet où plus rien n'est évitable. Subis mon héritage fièrement sans faire le minable. Je viens de là où les heures me semblent interminables, où les perdants n'ont comme recours la cagoule et les gants. Rien à foutre d'être élégant, y'aura qui le jour de mes obsèques. Ce qu'on veut c'est le piston et cette idée m'obsède. En clair c'est qui tu verras en grand vainqueur dans la vie de tes rêves. Si ce n'est toi, alors refuse d'être le nègre qui porte une étoile. Rap véritable, nous pour ta zik, on s'écartera pas comme cœur. On marche au kérosène, on s'empare de Beyrouth comme Israël. On les ratera pas toutes ces petites amènes. Nous on fait nos coups en douce et si tu veux qu'on tienne, faut que soit dans une douce part. Eh ouais les rapaces font chasse, imagine. Un jardinier qui se tape que des enfants fragiles. Allez vive ta France tiens, pour tous ces jolis putes. Pour tous ces jolis turlutes que tu tailles au ricain, sale pute. 2007, je m'engage à te causer des dégâts. Surtout si c'est l'autre viking qui passe. Mais qui tu mates comme ça? Rap citoyen pour tous ces survivants qui combattent dans des immeubles mitoyens. Ceux qui doivent rien mais qui prendront tout. Vivre dans la disgrâce. Putain frelo mais dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour mes obsèques? Vivre dans la disgrâce. Putain frelo mais dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour des obsèques? Ok. 93 homicides depuis le temps que j'officie. Seul face au suicide, tous mes efforts sont risibles. Merci de me rendre visite, envoie plutôt un mandat. Négro faut que t'existes, poteau faut que je résiste. J'ai autant la gouache qu'un nouveau-né. Avant de crever faut que les parents sachent que je les aime. Je les remercie de m'avoir évité la misère du bled. Pour ça je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. C'est la colère de la terre mère, je la baisserai jusqu'à ce qu'elle saigne. Faut éviter tout rapport d'inimitié. Les vérités sont toujours pas bonnes à dire sans militer. Le cœur criblé de ragots, faut faire la peau si tu veux le gamo. Faut que tu fuis les petites merdes qui veulent ta peau. Difficile d'aimer autrui dans mon avis. L'impulsif c'est celui qui agit et pas celui qu'on fragilise. Les mots sont toujours aussi fébriles pour atténuer la douleur d'un homme. Allez pose ton spliff et réveille-toi bonhomme. Vivre dans la disgrâce. Putain frelo mais dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour mes obsèques? Vivre dans la disgrâce. Putain frelo mais dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour de mes obsèques? Mais qui t'a demandé de m'aimer? Tu finiras par nous rendre ce que tu nous as pillé. On n'est pas prêt d'oublier, à moins qu'il y ait un plus grand mémorial. Mais qui t'a demandé de m'aimer? Tu finiras par nous rendre ce que tu nous as pillé. On n'est pas prêt d'oublier. Et plus de morale si tu veux qu'on soit plus raisonnable. Dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour des obsèques? Vivre dans la disgrâce. Putain frelo mais dis-moi ce qui se passe. Combien de mes gars seront là le jour des obsèques?